des milliers, des millions dispersés dans tous les océans, nous c'est laissant mêler, liés par les mêmes racines et la même langue, pétri au gré de l'histoire, enfouis dans nos mémoires. La Guyane, toutes enfants créoles. Yeah, yeah, yeah, yeah. Una seca.